Pour la reine, la chèvre d'or, 10e partie et fin du roman. Chapitre 46. En route pour la Calanque. Un matin arrive Monsieur Honorat, joyeux, bruyant, en équipage de pêche. « Allons, debout, tout est fini, le médecin autorise une sortie. La lune nouvelle a fait son apparition cette nuit. » Et les châtaignes de mer doivent être pleines. » Tout convalescent et sensible à la gourmandise, ce mot de châtaigne de mer éveilla soudain je ne sais quelle gastronomique nostalgie endormie au fond de mon être. Depuis 6 mois au moins, M. Honorat me l'a prometté, cette pêche, et bien des fois, levés avant le soleil, nous étions descendus vers la Calanque dans l'espérance d'un temps favorable. Mais chaque fois, une malicieuse petite brise, frisant la surface de l'eau, nous avait obligés de renvoyer la partie. Pour le genre de pêche que nous voulions faire, il faut absolument un calme plat. Ce matin-là, tout s'annonçait à souhait. Pas un souffle dans l'air. Et là-bas, sur la mer, pas une ride. Il s'agirait donc de traquer l'oursin ? Précisément, dans un quart d'heure, nous partons tous, le gros de l'équipage à pied, vous, pour ne pas vous fatiguer sur Saladin, que Galfard prête. Nous devrions être rendus déjà aux Aigues Sèches, où nous attend une surprise. On pêchera jusqu'à ce que la chaleur arrive et l'on fera la bouillabaisse sous les pins. J'accepte de grand cœur. Norette s'obstine à me fuir quand je veux lui parler. Chemin faisant, je trouverai bien l'occasion de m'expliquer avec Norette. La surprise, c'est patron Ruffe et tardive qui, avertis par cet excellent monsieur Honorat, nous attendent dans la grande barque. Et quoi, patron Ruffe, quoi, tardive ? Embrassade, Gantôme exulte, et monsieur Honorat, qui savait tout, feint de s'étonner le plus fort. Moi seul ne puis être joyeux et continue à faire grise mine. Heureusement, pour m'excuser, j'ai le prétexte de ma maladie. Pendant toute la longue descente, Norette, qui marchait à côté de ma monture, n'a pas même daigné m'adresser la parole. Elle s'entretenait avec son père, indifférente, d'un procès qui les appelle à Arles et sans doute nécessitera un long séjour. Peut-être même par suite d'intérêts nouveaux, leur faudra-t-il quitter à tout jamais le puget mort ? Et moi, alors, que deviendrai-je ? Mais Norette ne me voit pas. Norette s'inquiète peu de mes peines. Elle est bonne, pourtant. Le sort de Misigiano l'inquiète. « Bah ! » lui dit Monsieur Honorat, « nous en ferons cadeau à peu parle. Ce maniaque aime les bêtes. Misigiano ne peut qu'être heureuse avec lui. » Et mademoiselle Norette approuve, tout en caressant de la main sa main brune et souple que j'ai pressée, le poil bourru de Saladin. Comme cela ressemble peu à l'aurore de notre amour, à nos courses dans la montagne, quand j'étais jaloux de Gantôme, et que Misigiano nous suivait.